On va accueillir Anne, notre prochaine intervenante, qui va nous retracer l'histoire des mobilisations pour les droits des femmes en France au XXe siècle. Sous-entend un peu plus vieux. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Moi, je m'entends pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais peut-être raconter vraiment n'importe quoi. Voilà, je m'appelle Anne. Et je me suis proposée pour venir parler de l'histoire des luttes féministes et des luttes pour les droits des femmes en France au XXe siècle. Et je pense que certaines d'entre vous auront des choses à échanger, et peut-être des souvenirs ou des remarques ou des suggestions. Voilà. L'idée pour moi, c'est aussi un peu de revenir sur ces trajectoires-là, sur cette histoire-là, parce que les mouvements féministes ont souvent, comme d'autres mouvements, l'impression de réinventer la poudre à chaque fondation, de groupe, d'organisation, d'association. Et voilà, en fait, on se rend compte, quand on regarde un peu ce qui s'est passé au 19e et au 20e siècle, que on n'a pas grand-chose à inventer. On a pas mal de choses dont on peut s'inspirer. Ou alors, il faut réfléchir à comment se déterminer aujourd'hui. Voilà. Donc, pour faire ce petit... Voilà, cet échange sur l'histoire des luttes des femmes en France au XXe siècle, il faut partir de la situation qui était celle des femmes au XIXe, en fait. Et c'est une situation où les femmes françaises n'ont à peu près aucun droit. En particulier, elles sont privées de deux types de droits dont jouissent les hommes à partir de la Révolution française, puis de 1848. L'un qui est le droit de vote, dont tous les hommes français majeurs sont dotés à partir de 1848, et dont aucune femme n'est pourvue jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis l'autre type de droit dont elles ne jouissent pas, c'est moins connu, c'est ce qu'on appelle les droits civils, c'est-à-dire le droit de disposer de leur personne et de leurs biens. Alors, en fait, elles ont ce droit si elles ne sont pas mariées. Mais le code civil de Napoléon de 1804 prévoit que les femmes mariées sont sous la tutelle de leur mari. Le code civil dit que dans le mariage, le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. Donc des relations très inégales. Et ça veut dire que concrètement, les femmes n'ont pas le droit, par exemple, de vendre ou d'acheter un bien important, un bien immobilier. Elles n'ont pas le droit d'ester en justice, elles n'ont pas le droit d'avoir un passeport, elles n'ont pas le droit de choisir leur lieu de résidence, elles n'ont aucun droit sur leurs enfants. Donc vraiment une situation de, on appelle ça minorité juridique. Et pour toutes ces choses-là, avoir un passeport, se déplacer, voyager, travailler, disposer de son salaire, elles sont obligées de obtenir par écrit le consentement de leur mari. Donc les femmes non mariées, elles, à partir de 21 ans, elles ont le droit de faire tout ça. Mais là où il y a un véritable piège social, c'est que, par contre, les femmes célibataires ne jouissent d'aucune considération sociale. Je dirais même qu'elles sont vraiment sous l'œil très réprobateur de la société. Alors finalement, en fait, le bon truc, c'est d'être veuve. Enfin, veuve d'un homme riche de préférence. Ça, c'est parce qu'on gagne sur tous les plans. On a la notoriété et la respectabilité. Et puis, en fait, on peut aussi faire ce qu'on veut. Bon, mais elles n'ont pas été très nombreuses à assassiner leur mari pour autant. Et du coup, elles ont choisi globalement plutôt d'autres modes de lutte. Et c'est donc de ça que je voulais parler. Alors, ces autres modes de lutte, c'est quoi ? Bien, elles vont se focaliser en fait sur pas mal de choses, mais les deux principaux jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est lutte pour le droit de vote et lutte pour l'abolition de la minorité juridique, c'est-à-dire abolir tous les articles, et ils étaient très nombreux dans le code civil, qui justement les empêchaient de disposer de leurs biens et de leurs personnes. Elle commence très tôt hein, à se mobiliser pour ça. Vous connaissez peut-être l'histoire de Olympe de Gouges, une révolutionnaire française qui a écrit le manifeste pour les droits des femmes et qui rappelait que comme les femmes ont le droit d'être guillotinées, elles devraient avoir le droit de vote. Elle a fini à la guillotine, mais elle n'a jamais obtenu le droit de vote, comme quoi elle avait été élue très bien, mais partiellement. Et puis, en 1830, en 1848, il y a de nouveau des mobilisations de femmes républicaines, de femmes qui s'associent à ce qu'on peut appeler la gauche de l'époque, pour rappeler que les femmes devraient être des citoyennes comme les autres. L'invention géniale de la Révolution française, c'est d'avoir inventé une catégorie qui s'appelle des citoyens passifs. Donc on dit aux femmes, mais si, vous êtes vraiment des citoyennes, sauf que vous êtes des citoyennes passives, donc vous n'avez pas le droit de vote. Le Code Napoléon dit aussi que sont privés de droits juridiques les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux. Voilà, alors c'est là, on sent la double oppression, hein. D'une part pour les personnes effectivement qui ont des problèmes mentaux, il faut pas, voilà, mais les femmes et les mineurs sont en fait mis dans le même sac. Alors, les moyens, donc les deux buts principaux des luttes du début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, c'est accorder les droits politiques et les droits civils pour les femmes mariées. Les méthodes, c'est quoi ? Les méthodes sont, au XIXe et surtout dans l'entre-deux-guerres, des méthodes essentiellement modérées et légalistes. Le mouvement suffragiste croit avoir tenir, disons, sa victoire en 1914. Juste avant la Première Guerre mondiale, il y a une très grande manifestation de femmes et de féministes, pas seulement des femmes, aussi des hommes qui soutenaient la cause du suffrage féminin, qui se rassemblent en juin 1914 à Paris. Et on a l'impression que la loi pour le suffrage des femmes va passer prochainement. Sur ce, intervient la Première Guerre mondiale et là, les droits politiques des femmes reculent d'un bond. Les femmes sont sommées de faire, disons, de participer à l'union sacrée, à l'effort de guerre, ce qu'elles font en grande partie, souvent au détriment de leurs convictions féministes d'ailleurs, puisque leur conviction féministe, c'était aussi une internationale féministe, hein, puisque les femmes françaises n'étaient évidemment pas les seules à être privées de droits politiques. C'était le cas de la plupart des femmes en Europe et dans les pays industrialisés. Donc, en 1914, le droit de vote recule d'un bond. Par contre, ce qui avance pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'idée que les femmes ont le droit de travailler dans des métiers qui ne sont pas les métiers traditionnels féminins. Parce que le pas-parler qui date d'avant la Première Guerre mondiale, c'est que non seulement les femmes ont très peu de droits, mais en plus, elles sont soumises à des stéréotypes généralement négatifs qui justifient leur exclusion de l'enseignement secondaire et supérieur, par exemple. Donc parmi ces stéréotypes, il y a l'idée que les femmes ne sont pas des êtres dotés de raison, en tout cas pas au même titre que les hommes. Les femmes seraient du côté de l'instinct, de la nature, bien loin de la rationalité, et c'est ce qui fonde leur exclusion de la sphère politique. On soupçonne qu'elles sont incapables de raisonner, et que de ce fait, il vaut mieux les exclure de la sphère publique. On pense aussi qu'elles sont entièrement soumises à leur physiologie. L'affaire des cycles menstruels, etc., fait couler beaucoup d'encre chez les médecins. Je pense que ce sont des êtres fondamentalement vulnérables et faibles, qui en plus sont victimes de leur utérus. Comme si l'utérus était branché directement sur le cerveau. Et du coup, elles sont sujettes à des crises d'hystérie. Hystérie, utérus, voilà, c'est la même chose. Et donc, c'est la maladie spécifiquement féminine qui se développe. Alors, elle se développe surtout dans l'imagination des médecins. Mais elle se développe aussi du fait de très nombreuses frustrations féminines, effectivement. Une autre forme de maladie induite, on peut dire, en grande partie par les conditions sociales qui sont celles des femmes en France à la fin du XIXe siècle, c'est la neurasthénie. C'est comme ça qu'on appelle la dépression, qui est très liée au fait que les femmes sont sommées de rester à l'intérieur. Voilà, le XIXe siècle, c'est vraiment la séparation de la sphère publique et de la sphère privée, à un point qui n'avait jamais existé jusque-là. C'est vraiment une aggravation de la situation des femmes et une aggravation de l'inégalité, surtout entre hommes et femmes. Donc, elle lutte sur plusieurs fronts et elle lutte surtout de façon modérée, je disais. Alors, leur moyen d'action, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout de fonder des associations. Le grand moyen de lutte pour l'obtention du droit de vote à partir du 19e siècle, c'est de fonder des associations qui ont, à partir de la loi de 1901, le statut d'association loi 1901, et avant qu'il y avait d'autres types de statuts. Ces associations, elles se dotent de brochures, de quartiers généraux, souvent à Paris, mais pas seulement. Elles organisent des manifestations, elles envoient des courriers. Bon, alors tout ça, c'est une façon vraiment très légaliste d'opérer. Et c'est la façon d'opérer de quelqu'un comme Cécile Brunschvicg, par exemple, qui est la présidente d'une association considérable en France dans l'entre-deux-guerres qui s'appelle l'Union française pour le suffrage des femmes, l'UFSF, dont elle est présidente et qui est vraiment une association, je vais dire, bien sous tout rapport, d'accord. Ce qui est très caractéristique et très frappant quand on regarde ce qu'écrivent les femmes de cette époque-là, c'est que elles luttent pour les droits des femmes, mais en même temps, elles ont complètement intériorisé et elles réutilisent un discours fait de stéréotypes sur la nature des femmes. Elles ne sont pas du tout antinaturalistes. Par exemple, beaucoup des femmes qui luttent pour que les femmes aient le droit de vote luttent sur le thème « Les femmes sont plus vertueuses que les hommes parce que comme elles ont des enfants, elles sont altruistes et elles savent mieux s'occuper de leurs prochains. » Et c'est donc à ce titre qu'il faudrait leur accorder le droit de vote. Et pas, par exemple, au titre du fait qu'elles sont capables de rationalité comme les hommes. Donc les spécificités ou les soi-disant spécificités féminines sont le discours principal de ces associations, bien qu'elles luttent pour le droit des femmes. Cependant, il y a quelques femmes, beaucoup plus minoritaires, mais qui, disons, promeuvent d'autres modes d'action. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver en beaucoup plus développé plus tard. Mais on en trouve déjà des prémices dès la fin du 19e siècle. Par exemple, une féministe française qui s'appelle Hubertine Auclair, qui était très active dans les années 1880. Elle, par exemple, elle fait la grève de l'impôt. Elle fait la grève de l'impôt au motif que la base de la citoyenneté, c'est de payer l'impôt. Elle paye des impôts, mais comme elle n'a pas la contrepartie qui est le droit de vote, elle refuse de payer ses impôts. Elle fait d'autres choses, comme par exemple, au moment des élections, elle se présente dans les bureaux de vote et elle saccage. Elle fait ça avec d'autres féministes de l'époque, par exemple une journaliste qui s'appelle Séverine. Donc voilà, des chahuts si vous voulez. L'idée c'est de faire parler du mouvement des femmes avec des méthodes un peu plus musclées, un peu plus agit-propre si vous voulez, hein, par rapport aux femmes très comme il faut que sont Cécile Brunschvicg ou d'autres. Dans l'entre-deux-guerres se développent encore d'autres méthodes assez amusantes, assez cocasses. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, ça c'est quelque chose qu'on, en général, on sait mal, à 5 reprises, entre 1918 et 1939, à 5 reprises, la Chambre des députés vote pour accorder le droit des femmes en France. Et à 5 reprises, le Sénat refuse d'entériner cette proposition. Le Sénat, qui est évidemment classiquement la chambre la plus conservatrice, elle a été fondée pour ça, hein, et elle joue bien son rôle en l'occurrence. Quels sont les arguments avancés par les sénateurs pour retoquer cette loi ? Alors, ceux que j'ai déjà évoqués, absence de rationalité, etc. Et puis, on a deux qui font réagir particulièrement les féministes de cette époque-là. L'un des sénateurs dit, s'exclame carrément, à la tribune, au Sénat, « Mais si les femmes votent, qui va repriser nos chaussettes ?» En effet, question fondamentale. Et l'une des féministes des années 30, qui s'appelle Louise Weiss, du coup, a organisé des distributions de chaussettes pour les sénateurs. Alors, d'abord, elle lui avait répondu par voie de presse en disant « Mais vous usez combien de chaussettes pour que votre femme ne puisse pas, une fois tous les 4 ans, aller déposer un bulletin de vote ?» Bon, première chose. Et du coup, elle distribuait des chaussettes gratuitement aux sénateurs qui avaient voté contre. Bon, ça, c'est pas mal. Il y en avait une autre aussi qui s'appelle Maria Véronne, qui était une dame très chic, et qui s'enchaînait au banc du Sénat. Alors, avec une chaîne. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans cette histoire, la chaîne, ça pouvait évoquer des pratiques sexuelles, comment dire, obscures et peu licites. Alors comme c'était une dame très bien, Maria Véronne, elle voulait surtout pas avoir cette réputation, et donc elle avait entouré la chaîne d'un velours noir. Hein, comme ça, on ne voyait pas vraiment la chaîne et elle restait la dame comme il faut, mais tout en menant une action assez, disons, médiatique, voilà, en s'enchaînant au banc du Sénat. Plus drôle encore, plusieurs sénateurs avaient refusé le droit de vote aux femmes au prétexte que, parmi les femmes françaises, il se comptait des femmes prostituées. Alors, ça, c'était l'horreur absolue, l'idée que des femmes prostituées pouvaient voter. L'idée que les clients des femmes prostituées votaient, ça... Curieusement, je ne sais pas pourquoi, ça ne leur avait pas traversé l'esprit. Et donc, les clientes des femmes prostituées, de fait, avaient le droit de vote. Et alors, pour contrer cet argument, et pour dénoncer ce qu'elles appelaient déjà la double morale à l'époque, hein, les féministes avaient repéré quels étaient les sénateurs qui avaient avancé cet argument. Il y en avait un qui s'appelait le sénateur Merlin, en particulier. Elles avaient aussi repéré qu'ils avaient leurs habitudes dans des maisons closes. C'est-à-dire qu'ils étaient eux-mêmes des clientes des prostituées. Et donc, elles organisaient des charivaris à la sortie. Elles les filaient, les prenaient en filature. Et quand ils sortaient des maisons closes, elles organisaient un charivari comme ça, beaucoup de bruit, etc., pour dénoncer cette double morale. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà des méthodes assez, assez drôles. Il y avait aussi des lâchers de ballons lors de manifestations sportives. Et les ballons avaient tous des petites étiquettes. « La Française doit voter », c'était le grand slogan des années 1930, etc. Bon. Finalement... Vous le savez, les femmes obtiennent le droit de vote en 1944, et le texte dit « Les femmes françaises sont électrices et élues dans les mêmes conditions que les hommes ». C'est donc à partir de 1944 qu'on peut parler du suffrage universel masculin dans les manuels d'histoire. Ne les croyez pas quand ils vous parlent du suffrage universel masculin en 1848. C'est pas vrai, il n'est pas universel, il est juste masculin. On dit souvent suffrage universel tout court dans les manuels. Non. C'est le suffrage universel masculin de 1848 à 1944. Les Françaises exercent donc pour la première fois leur droit de vote tout neuf en 1945. Et là, il se passe quelque chose d'un peu surprenant peut-être, mais finalement, quand on n'y réfléchit pas tant que ça, c'est qu'on assiste à un recul du mouvement féministe. C'est-à-dire que les luttes des femmes, tout d'un coup... ouais. D'accord. Ouais, si vous voulez, je termine ça ou vous voulez que je repasse la parole tout de suite? Ouais, ok. J'en étais où? Oui, donc un certain nombre de d'associations féministes qui s'étaient fait connaître dans les années 30, si je puis dire, rentrent un peu à la maison parce que voilà, le droit de vote a été obtenu. Mais... il y a un autre travail souterrain qui est en train de se faire, et qui n'apparaît pas tout de suite, mais qui, en 1956, se manifeste vraiment, qui est un deuxième combat après le droit de vote. Et la minorité juridique a été en grande partie, pas complètement, mais en grande partie abolie en 1938. Ça, j'ai oublié de le dire aussi. Donc, sur ce plan-là, il y a moins de choses à faire. Et donc, le grand nouveau combat, c'est le combat pour les droits reproductifs. Ça, c'était une question qui avait été déjà abordée à la fin du 19e siècle, début du 20e, par certaines féministes, mais elles étaient ultra minoritaires et assez mal vues des autres. Et elles étaient en général des femmes proches des milieux anarchistes, ou elles étaient anarchistes elles-mêmes. Par exemple, Nelly Roussel, Madeleine Pelletier, qui déjà, à la fin du 19e, début du 20e, promouvaient l'amour libre, une sexualité hors mariage, l'éducation sexuelle chez les filles. Ça, c'était très mal vu chez la plupart des féministes. Bon. En 1956, une association... à nouveau très légaliste et très modéré secret, elle s'appelle, ça ne s'invente pas, Maternité Heureuse. C'est très joli et c'est animé par une femme médecin catholique qui essaye de promouvoir la contraception. En effet, en 1920, une loi a été votée en France qui interdit la contraception, l'avortement et également toute information sur la contraception et l'avortement, ce qui fait que les choses sont extrêmement compliquées. Et ça rejoint complètement l'idée qu'on se fait des femmes au 19e, à savoir que leur horizon, c'est le mariage et la maternité. Donc cette loi de 1920, elle est très nataliste, elle est plutôt plus sévère que les lois précédentes, mais elle est dans la continuité de l'idée qu'on se faisait des femmes au 19e. Maternité heureuse, en fait, est un mouvement qui essaye de faire accéder les femmes à la contraception, mais comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui croit dans la maternité et qui, une fois de plus, exalte la maternité comme l'horizon naturel des femmes. La seule idée de la femme médecin qui a fondé cette association, c'est qu'il vaudrait mieux que les naissances soient plus espacées et que les femmes et que les couples puissent choisir à combien d'enfants ils souhaitent. Assez rapidement, on est dans la fin des années 50, début des années 60, ce mouvement se radicalise et finit par donner en 1960 le mouvement français pour le planning familial qui, lui, est beaucoup plus proactif, beaucoup plus radical, a des méthodes et travaille plus avec des féministes. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, dans le sillage des années 68, disons, appelons-les les années 68, les historiens aiment bien cette expression, les années 68 ont donner lieu à plein de choses, dont un nouveau mouvement féministe, on va dire une nébuleuse féministe, dont le groupe le plus connu, mais c'est un groupe informel, est le mouvement de libération des femmes, hein, le MLF, dont on date la naissance à 70, au moment où, alors la date est controversée, ce serait, en gros, au moment où un certain nombre de féministes vont sur la tombe du soldat inconnu, la flamme du soldat inconnu, et déclare qu'il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Voilà, ce serait l'année zéro de celle du féminisme. Et alors là, elle tranche, le MLF et les années 70 tranchent vraiment à la fois dans leurs revendications et dans leurs méthodes, parce que les revendications sont autour des droits reproductifs, beaucoup, mais plus généralement. Une remise en cause très fondamentale, très radicale, on va dire révolutionnaire, hein, des rapports sociaux de sexe, des stéréotypes sur les hommes et les femmes. Un changement de ton, un changement de façon de faire aussi. Alors, elle renoue avec les méthodes agites propres, mais il y a des choses nouvelles. Par exemple, les groupes de parole, la non-mixité comme méthode importante du mouvement MLF pour que les femmes puissent discuter ensemble, échanger sur leurs expériences, etc. Et puis, donc, elle se focalise beaucoup sur les questions de sexualité, de libération sexuelle. Pour la première fois dans les années 70, des groupes de lesbiennes deviennent visibles et elles ont une importance réelle dans mouvement de libération des femmes. Et c'est notamment grâce à leurs actions que deux lois importantes sont votées. La loi sur la contraception en 1967, la loi Neuwirth, mais elle met quand même 5 ans à avoir ses décrets d'application. Donc ça n'est qu'en 72 que les femmes ont vraiment accès à la contraception. Et puis la loi Veil de 1974 qui légalise l'IVG, mais que Madame Veil, qui faisait partie d'un gouvernement de droite, a bien pris soin de ne pas montrer comme une mesure féministe. Hein. Elle a présenté ça comme une mesure de santé publique revenir sur les conséquences dramatiques des avortements clandestins. Voilà. Donc ça, ce sont des deux dates vraiment importantes dans les luttes des femmes françaises. C'est aussi le moment où apparaissent des femmes qu'on n'avait pas beaucoup entendues jusque-là, qui sont toutes les femmes des minorités, en particulier des femmes noires en France, par exemple, des femmes d'origine immigrée en France qui commencent à prendre de la voix. Ce sont des années extrêmement productrices sur le plan des luttes, avec des méthodes qui vont des méthodes anciennes, fonder des associations, à des méthodes de type agit-prop, ou encore, par exemple, une date importante, c'est 1972-73, le moment où Gisèle Halimi, qui est avocate, transforme le procès d'une jeune fille mineure qui est poursuivie pour avoir avorté en véritable tribune politique. Voilà, une nouvelle forme de lutte. Elle a réussi à médiatiser considérablement ce procès avec l'aide de femmes plus ou moins célèbres, et certaines ne l'étaient pas du tout, qui avaient signé un manifeste disant qu'elles avaient avorté et qu'elles étaient prêtes à être poursuivies pour avoir déclaré qu'elles avaient avorté. Voilà. Bon, dans les années 80, et je vais finir là, on assiste à un certain repli de nouveau que les, voilà, qu'on analyse en général comme la conséquence d'une institutionnalisation du féminisme. La gauche est arrivée, enfin la gauche, le Parti socialiste est arrivé au pouvoir en 81 avec quelques autres partenaires qui se disent de gauche. Et c'est vrai qu'on assiste à un certain nombre de mesures améliorant la condition des femmes. Mais les femmes radicales des années 70, elles disaient « on ne veut pas améliorer la condition des femmes, on veut l'abolir ». Et c'est ça qui était beaucoup plus radical que tout ce qui précédait. C'était vraiment une mesure révolutionnaire, c'est-à-dire revenir sur, finalement, la distinction des genres. C'était vraiment ça le but. Voilà, comme vous le voyez, on en est encore loin. Enfin, c'est sûrement tous les jours. Voilà, il faut pas oublier que les années 80, c'est aussi des années de retour de bâton sur le plan politique. Et ça a aussi affecté le mouvement des femmes. Voilà, alors aujourd'hui, le mouvement féministe n'est pas mort. Ce qui est difficile dans les luttes actuelles, c'est que sur le plan du droit, je parle bien du strict droit, il n'y a plus rien à faire. Et c'est en fait, paradoxalement, beaucoup plus difficile d'agir sur d'autres plans que le plan du droit. Donc c'est tout ce chantier-là qui reste et qui n'est pas encore, loin de là, défriché. Voilà, merci et à vous. Alors, on va passer aux questions, aux remarques. On avait une question juste ici, ou une remarque. En fait, moi, je ne suis pas d'ici, mais je suis d'Orléans. Mais je remarque, en fait, la notion de la France debout, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Un, sur ce point-là, les notions de femmes et tout... Je trouve que c'est vraiment pour moi un sans intérêt. Parce que le seul problème qu'il y a, c'est l'histoire de femmes. Non, je m'excuse. Mais le problème qui est vraiment important, c'est nous, nos problèmes. C'est pas l'histoire de cibler la femme, celui-là, les histoires de ceci, cela. Tout ça est passé. Le passé, il est mort. Là, on est debout. Debout, c'est quoi? C'est d'être franc. C'est d'être habité par ce qu'on vit. Ça veut dire qu'on sent des choses qui nous font de la peine. On est aujourd'hui, c'est plus une France noire, blanc, jaune. C'est une France debout. C'est une France avec des gens différents. C'est avec des gens qui souffrent, avec des gens qui sont là, qui ont envie de se battre. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants. On a envie de faire de nos petits-enfants. On se bat pour ça. Mais c'est ce qui dérange, c'est les notions. Moi, en tout cas, ce qui me dérange, c'est que des gens qui viennent et s'en prend comme une histoire de la France debout. Au lieu d'en faire quelque chose de digne, de grand, de fort. Parce que la France, elle a battu. Hey, la France, elle a conquis. L'Afrique, 45 fois la France. La France, elle l'a organisé, elle a tout fait. D'accord, pour l'intelligence. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est hyper difficile pour tout le monde. Qu'importe. On est en Europe, on vit en Occident. Oh, l'Occident, c'est pas vous, c'est pas lui. C'est nous tous. Il n'y a pas de couleur. Les histoires de couleurs, les histoires de femmes, c'est mort. On est derrière. Je finis juste. C'est ce qu'il faut faire, c'est d'être debout, c'est d'être ensemble. Pas de tirer des intérêts. Pas pour venir faire, ouais, moi je suis là parce que je dois parler. Moi je suis là parce que j'ai un intérêt. Ça, c'est de la merde. La vraie notion qu'il faut faire, c'est d'être debout, c'est de ne pas se mentir, c'est de ne pas être là, de faire du cinéma, d'attirer des mégas pour faire du truc. C'est le truc, c'est d'être debout, d'être fort. Et la France, elle est forte. La France, elle est bonne. La France, elle est. C'est pas vous. C'est nous tous. Et ça, moi, j'ai envie de dire. Parce que les notions de femmes, de ceci, cela, on voit les femmes aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Donc, je me remets tellement de questions. Vous parlez du féminisme et de tout ça. Mais il y a combien d'hommes qui se sont fait virer dehors de chez eux? Il y a combien d'hommes que la femme, le pouvoir et tout, ils ont été traînés? Combien de la justice, elle en fait des hommes qui pleurent? Combien? Et vous en voyez, vous, des hommes qui pleurent? Non. Alors ces histoires, c'est des histoires de balivernes, c'est des histoires d'intérêt, c'est des histoires personnelles. Elles ne concernent pas les gens qui souffrent, elles ne concernent pas les gens qui sont debout, elles ne concernent pas les gens qui sont... Parce que la société, c'est nous tous qui payons des impôts, c'est nous tous qui sommes bâtons, c'est nous tous qui sommes là. C'est pas des intérêts politiques, c'est pas des intérêts personnels, c'est des intérêts communs, c'est des intérêts pour aller de l'avant. Moi, c'est ce que je vois, madame. C'est pas une notion de femme, de féminisme, de libération, tout ça, c'est des conneries. Ouais, merci. Alors, avant de passer à une nouvelle intervention, j'appelle vraiment à la bienveillance. On est ici pour discuter de manière positive et instructive. Bon, apparemment, il ne peut pas répondre à ma question, mais je voulais lui demander de quand datait son dernier avortement. Mais bon, il n'est pas là pour me répondre, donc voilà. Moi, je voudrais juste faire un parallèle avec une autre lutte qui a été menée en 1968. Il y a eu une lutte ouvrière qui a rassemblé des millions d'ouvriers à travers l'Europe pour abolir de manière stricto sensu l'argent et l'État. Cette lutte ouvrière, le capital voyant cette lutte ouvrière radicale abolir le capital, il a vu en parallèle des ouvriers se battre dans les usines pour protéger leur droit du travail, et ils voulaient travailler et être mieux protégés au sein de leur travail. Mais le capitalisme, il a dit c'est parfait, on va monter au créneau, c'est à travers des on va constituer des associations, des lobbies, les gens qui aident les syndicats, pour que les gens puissent continuer à travailler, et on va libéraliser le travail. La lutte féministe c'est pas des patrons, c'est pas des grands penseurs qui ont dit c'est génial, on va mettre les femmes au travail, on va la libérer en la mettant au travail. On va recréer une autre forme d'aliénation dans laquelle les hommes et les femmes vont travailler et les hommes et les femmes vont se mettre en compétition. Le capitalisme chosifie la nature. Il a fait de la femme, à travers la lutte féministe, une chose bonne qu'à travailler pour qu'elle soit libre d'acheter son propre linge, de laver sa propre vaisselle et ne pas aider son homme. Je dis ne pas aider son homme dans le sens où ce qui promeut la lutte féministe, c'est l'idée de on va libérer la femme de toutes les aliénations. On va libérer la femme dans le sens où les femmes, elles ne vont pas acheter avec l'argent du mari, elles vont acheter avec leur argent. Mais ça reste de l'argent. Elles vont devoir, elles, comme les autres humains, se battre avec les autres femmes pour, il y a des femmes prostituées, il y a des femmes chefs de patron. Les deux ont envie de vivre une vie humaine. Elles n'ont pas envie de prostituer leur corps à une autre forme d'échange. Jeanne d'Arc au Moyen-Âge, on lui a donné l'opportunité, parce qu'elle disait des choses plus ou moins raisonnées en lien avec la foi qui était promue et qui dominait le système capitaliste qui était l'État monarchique. On lui a donné une armée, elle a conduit une armée, il y avait encore un respect de la femme. En 1880, un homme qui voulait voir sa femme et ses enfants grandir voulait la protéger du travail. Elle ne voulait pas que sa femme aille travailler parce que ce qu'il fait n'a aucune valeur sur le plan symbolique. C'est pas en répétant 80 000 fois le même geste dans les usines qu'on se sent super intelligent. On n'a pas envie de dire ouais super, les femmes vont faire la même chose maintenant. Voilà. Je laisse répondre ou réagir. Je pense que c'est important de le faire. Disons que moi, ce que j'entends là, c'est une remarque qui arrive très souvent quand on parle des luttes spécifiques des femmes. C'est une fois que le capitalisme aura été aboli, la situation des femmes ira vachement mieux. Peut-être. J'ai d'assez bonnes raisons de pas y croire, mais bon, vous y croyez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Que les luttes puissent converger, j'en suis bien convaincue, parce que sinon je ne serais pas ici. Qu'elles aient chacune sa spécificité, j'en suis également convaincue, et c'est pour ça que je suis venue parler de celle-là que je connais mieux que d'autres. Mais voilà, bien sûr que le travail à la chaîne pour les ouvrières est aussi abrutissant que le travail à la chaîne pour les ouvriers. Après, laver la baignoire est relativement abrutissant aussi, et c'est toutes les études montrent que depuis 20 ans les hommes travaillent dans le travail domestique 1 minute de plus par an. Voilà. Bon, donc ça fait pas beaucoup 1 minute de plus par an pour le travail ménager. Voilà. Bon, donc bien sûr que le capitalisme abrutit les hommes, les femmes, les enfants, le reste, que l'argent c'est très mal et tout ça. N'empêche que dans ce système-là, la situation des femmes était bien pire encore que celle des hommes. Voilà, à système égal, tout simplement. Quoi ? Le capital c'est qui ? Le capital. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase qui dit le qui. Ah ouais, marrant, je l'ai pas entendu dire moi. Le capital dit, c'est une phrase qui est tellement générale. Le capitalisme, moi je l'entends pas dire, hein, je suis désolée, mais voilà. Il y a des gens qui disent, il y a des groupes qui disent, mais il n'y a pas un système qui dit. Voilà. Donc il agit peut-être, le système, mais il n'y a pas... Ben, le capitalisme, il ne me dit rien à moi. Enfin, et, oh, vraiment dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Comment elle s'appelle, attends ? Madame Anne. Ouais, je vais peut-être pas la couper là. Bonsoir, Anne. Oui, alors par rapport à la problématique de l'injustice que subit par le. La féminité au cours de l'histoire, encore aujourd'hui, par rapport aux solutions, pour revenir à ce que disait le monsieur précédemment, sur les causes, en fait, est-ce que vous... finalement, est-ce que pour vous, la problématique est d'ordre idéaliste, c'est-à-dire que, est-ce que, d'une certaine façon, l'injustice subie par les femmes est causée par les hommes, en fait, et donc il faut s'engager dans une sorte de lutte pour justement se libérer, s'émanciper de la domination masculine, pour finalement soit arriver à une forme d'égalité, ou soit éventuellement à une forme de domination des femmes sur le masculin. Ou est-ce que, selon vous, on serait plus dans une approche, je dirais, matérialiste, où finalement la relation homme-femme serait un reflet des rapports sociaux, un peu comme le voit Marx, et que dans ce cas-là, il faudrait revenir à ce que disait le monsieur, repenser justement les rapports sociaux dans la mesure où le macrocosme économique se reflète sur le microcosme familial et sur les rapports homme-femme, et en ce sens... sur la question du travail notamment, le partage des tâches, etc., toutes ces problématiques qu'il y a entre la relation homme-femme, le temps libre, etc. Est-ce que que pensez-vous justement de la question du revenu de base qui permettrait justement de sortir de la problématique du travail, du capital, de l'argent, etc.? Est-ce que vous pensez que ce serait une solution pour apaiser et pour réconcilier le féminin et le masculin? Ou est-ce que vous pensez-vous que c'est vraiment dans une dialectique du maître et de l'esclave et de lutte qu'on va résoudre définitivement les relations du féminin et du masculin? Alors, ce que moi je pense, je suis pas sûre que ça ait un intérêt très puissant, je peux vous le dire, mais... des féministes ont répondu en partie à votre question en disant que le problème, l'ennemi des femmes n'est pas l'homme ou les hommes, c'est le patriarcat, qui est un système qui a son organisation, sa logique, ses contradictions propres. Et donc la question n'est pas une guerre des sexes. La question, c'est pas que vous me dominiez, vous en tant que personne et moi en tant que personne. L'analyse des féministes, c'est que le système patriarcal est fait de telle sorte que, en tant que groupe, et ça exclut les rapports individuels, en tant que groupe, les hommes dominent de facto le groupe des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas une question qu'on va régler, et je pense que c'est pas une bonne façon de poser la question que de personnaliser ça en disant est-ce que les femmes doivent entrer en guerre contre les hommes, est-ce que leur but c'est de les dominer, etc. Poursuivre l'abolition du patriarcat ou poursuivre l'abolition de la condition féminine, ce qui d'une certaine façon était la même chose, ça veut absolument pas dire entrer en guerre contre des individus. Ça veut dire lutter contre un système. Voilà. Et donc, cette lecture-là, elle est en fait, effectivement, elle a des rapports étroits avec la lecture marxiste du système capitaliste. Donc, pour répondre à votre question, à titre personnel, oui, je pense que la lecture matérialiste du monde est importante. Ça fait sûrement pas le tour de tout, mais je pense que c'est une bonne base, disons. Voilà. Merci. Déjà, merci pour le petit rappel sur l'histoire des mobilisations féministes en France et ailleurs. Moi, il y a juste un point que j'aime bien souligner sur l'histoire des mobilisations féministes. C'est vous avez commencé par le suffrage universel, donc le vote des femmes. Donc qui intervient en France en 1944, qui intervient en Grande-Bretagne bien avant, je crois que c'est dans les années 20. On parle de moments où déjà le suffrage universel n'est plus un moment de pouvoir. C'est-à-dire que on a beau avoir le droit de vote, c'est pas ceux qui votent qui décident. C'est les patrons, c'est le capital, c'est les lobbies, c'est d'autres choses. Quand on arrive, je vais passer faire un grand bond dans l'histoire, et quand on arrive en 1974 avec la loi sur l'avortement l'autorisation qui est donnée aux femmes de disposer de leur corps, on est déjà dans les premiers pas de la biométrie, du fait que le vivant appartient au capital, que les brevets sont déposés sur le vivant. Et à ce moment-là seulement, on donne aux femmes le droit que leur corps leur appartienne. Est-ce que l'histoire des mobilisations féministes en France, même si elle est intéressante à voir à travers ses moyens, qu'ils soient légalistes ou agitpropres, etc., est-ce qu'elle n'a pas toujours un train de retard? Est-ce qu'elle n'est pas en lutte contre un patriarcat qui soit existe, mais qui en fait est que l'expression d'un autre système capitaliste ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas toujours ce train de retard sur l'histoire des mobilisations féministes? Alors, c'est vrai que je suis relativement d'accord avec l'idée que si voter pouvait changer le système, ce serait illégal. Donc, à ce titre, je trouve que c'est une bonne remarque. Cela dit, quel que soit le système, quand des gens disposent d'un droit, quand bien même ce droit ne serait finalement un peu qu'une façade ou etc., ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un privilège. C'est peut-être un privilège factice, mais n'empêche que poursuivre l'égalité des droits me paraît pas être quelque chose de complètement absurde. Et puis cette critique, parce que je l'entends comme ça, mais je le prends pas à titre personnel, hein, des luttes féministes, elle est pas du tout infondée, me semble-t-il, mais en fait elle vaut pour toutes les autres. C'est-à-dire que c'est pas du tout une caractéristique du mouvement féministe. Je sais pas, moi, les mouvements de chômeurs qui se battent pour avoir du travail, quand on voit ce que sont les conditions de travail de plein de gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça me paraît être important d'y réfléchir éventuellement dans ces termes-là, mais c'est pas une spécificité des luttes féministes. Je crois que ça peut être, appliqué à des tas et des tas de luttes. Est-ce que ça discrédite les luttes pour autant, je sais pas. Bonjour, je suis venu vers là, je marchais, enfin je suis déjà venu 4 jours de suite hein, ici, j'ai parlé, mais j'ai entendu le monsieur qui vous interpellait. Il y avait pour moi à boire et à manger dans ce qu'il disait, et donc j'ai envie d'intervenir, mais de prolonger ce que vous dites, parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites. Non, c'est cet homme, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de bien, qui était l'élan, l'envie de réveil, et quelque chose de moins bien qui était des jugements à l'emporte-pièce, et puis l'idée que la France forte, ça va sauver le monde. Mais non, il faut que tous les pays soient forts. Je m'en fous que la France soit plus forte que l'Allemagne ou que le Sénégal, ça n'a aucun intérêt. Il faut un monde juste, c'est tout. Et puis, pour prolonger ce que vous venez de dire, tous les droits doivent être défendus en parallèle, mais les manières de faire varient. Et quelquefois, il y a des dérives dans tous les milieux. Dans les ONG, il y a des gens, j'ai dit ça au Forum social mondial à Tunis, qui vivent non pas pour la cause, mais de la cause, des fonctionnaires, partout. Il y a des gens qui veulent récupérer le mouvement pour eux, il y a des égotistes, il y a des trotskistes qui récupèrent. J'ai vu tout ça. Ça fait 15 ans que je dirige une ONG qui fait de la médiation entre tous les acteurs en conflit de la mondialisation. Je vois tous les types de personnages. À l'ONU, pareil. Il y a des gens, il y a le pire et le meilleur partout. Minine, il faut le dire, il faut l'admettre, est un moteur. Elle a souvent été, depuis qu'elle existe, elle a permis des avancées considérables pour toutes les autres causes. La marche des femmes à la création du Forum social mondial en l'an 2000, après le mouvement pour l'annulation de la dette du diamant, le Jubilee 2000, ça a été formidable. Ça a été un des piliers de la création du Forum social mondial. Après, Et puis alors, pour revenir à l'éducation, enfin pour commencer à parler d'éducation, bon, il se trouve que moi j'avais fait un papier en 2005 je suis journaliste aussi depuis une quarantaine d'années, J'avais appelé ça le jeu, le nous et les autres. Et le problème, c'est que, consciemment ou non, on décide de nous apprendre à être des individus. Et que les autres, entre les autres et nous, il n'y a pas un nous qui nous rassemble, il n'y a pas de solidarité. C'est ça l'idéologie néolibérale, c'est ça la civilisation industrielle, et c'est ça même, je l'ai dit l'autre soir, ce que Freud induit. On se concentre sur la personne en tant qu'individu et pas en tant que membre d'un groupe humain. On casse le lien social. Et c'est là le danger. Et l'éducation, elle est le reflet très, très affirmé aujourd'hui partout dans le monde de l'idéologie. Je vais vous donner un exemple. J'appartenais aussi à la conférence internationale de la télévision publique. D'accord, pardon, ah oui, bah oui, c'est beaucoup mieux, je m'entends enfin, avec moi-même. Oui, donc j'appartenais aussi au board de la conférence internationale de télévision publique. Et là, donc, j'observais ce qui se passait dans les différents pays. Et j'ai constaté que toutes les chaînes qui traitaient d'histoire, sauf à l'époque la chaîne française, la chaîne Histoire, qui a été dirigée par Parti Révolution depuis, donc c'est pas glorieux non plus, appartenait à History Channel. C'est-à-dire que les mémoires collectives de toutes les sociétés du monde étaient décidées par des Américains qui ne connaissaient rien à leur propre histoire. C'est quand même effarant. Donc, le problème, c'est les droits. C'est tous les droits. De les défendre en parallèle, en étant vigilant de ne pas dériver soi-même. Et c'est, ça, c'est mon combat. J'ai fait un appel à la COP21, j'ai appelé ça au nom de nos droits. Il faut que ce seul levier qui existe pour chaque personne, chaque citoyen, entre lui et la société, entre lui et une ONU qui aurait une certaine fierté d'elle-même, qui ne s'inclinerait pas face aux pressions du Conseil de sécurité, dont on sait comment il est composé par les plus grands vendeurs d'armes au monde et qui décident de la paix et de la guerre, qui ne s'inclinerait pas devant les entreprises Google, Facebook, qui dictent leur politique régulatrice sur leur charte journalistique au gouvernement, qui s'incline depuis des années devant ça. Il n'y a pas de régulation des contenus sur où il n'y a pas d'incitation à des choses positives, à produire, à des contenus qui auraient du sens. Donc moi, aujourd'hui, je suis révolté. Je ne l'étais pas avant, mais plus ça va, plus la France m'énerve, parce qu'elle ne tient pas compte de son identité qui aurait eût été la patrie des droits de l'homme, et plus je sens qu'il faut que quelque chose se passe comme Nuit debout, qui va du bas vers le haut, et qui doucement avance avec bienveillance, avec de l'écoute mutuelle, et qui construit, et qui ne répond pas ni aux invectives, ni aux injonctions, de dire mais comment fonctionner, c'est pas démocratique. Est-ce que la France a accouché d'une démocratie en 5 jours? Est-ce que la démocratie, l'Amérique est une démocratie? Non. Ben, vous commencez à l'être, c'est difficile, mais concentrons-nous sur les idées, les propositions. Concentrons-nous sur les idées, les propositions. C'est la seule manière de ne pas tomber dans des pièges qui sont tendus chaque jour. Merci. Par rapport à plusieurs discours qui ont pu être entendus depuis le début, moi il me semblait juste que c'était important aussi de rappeler qu'il y a un vrai problème à hiérarchiser à la fois les systèmes d'oppression ou les luttes possibles, les luttes de résistance contre ces systèmes. Je veux dire, le fait de partir du principe qu'une fois que le capital sera aboli, le patriarcat le sera aussi, le racisme le sera aussi, c'est pas vrai. Il n'y a pas un système au-dessus qui chapeaute tous les autres systèmes d'oppression. Et ce qui est important, c'est de... moi, je vais utiliser le terme intersectionnel. J'ai toujours un petit peu de mal à utiliser ce terme parce que j'ai pas envie de le... Enfin, en tant que blanche, voilà, j'ai pas envie de le blanchir parce que, justement, il faut reconnaître aussi tous les savoirs, toutes les connaissances qui viennent de... La parole déconcernée aussi, c'est hyper important. Et voilà, et le fait de dire que la lutte ouvrière, elle va permettre d'améliorer la condition des femmes ou la condition des personnes racisées. Non, c'est une convergence, c'est une intersectionnalité entre toutes ces luttes-là. Et voilà, il y a certains féminismes qui vont dans cette idée-là. Le féminisme, c'est pas juste non plus une lutte à part. Et voilà, c'est tout. Bonjour. Déjà, merci pour votre intervention. Je voulais rebondir en même temps, apporter de l'eau à ton moulin. En fait, déjà, voilà, je voulais mettre un bémol sur l'idée que quand on veut lutter pour le droit des femmes, on pense qu'il faut lutter contre un système, lutter contre le capitalisme. J'entends souvent le lien avec ça. Mais il faut pas oublier que la domination masculine existait bien avant la naissance du capitalisme. Et c'est plutôt une question anthropologique. C'est un rapport... dans n'importe quelle société entre hommes et femmes, c'est surtout à ce niveau-là et pas, par rapport à un système politique qu'il faudrait se pencher. Et ça m'intéressait cette idée-là du patriarcat. Et je voulais vous poser une question justement, toujours d'un point de vue anthropologique. Deux questions. La deuxième, je pense qu'elle sera peut-être impossible de répondre, mais pour moi très passionnante. La première, c'était justement si le patriarcat est là pour faire de la domination masculine sur les femmes, pourquoi dans certaines sociétés où on parle de matriarcat, il y a quand même de la domination des hommes sur les femmes? Ça, je voudrais bien que vous m'expliquiez si vous savez, parce que du coup, moi, ça m'étonne justement que la domination soit encore présente malgré cette dénomination matriarcat. Et la deuxième question, en fait, c'était peut-être qu'en voulant déconstruire cette espèce de rapport de domination de l'homme sur la femme, et surtout de vouloir séparer comme ça, de dire que les genres sont là par nature, etc., alors que c'est une construction sociale, comment on pourrait essayer d'éradiquer ce problème-là en essayant de comprendre l'origine de la domination masculine? Comment elle est apparue d'un point de vue anthropologique encore? J'imagine qu'il y a des anthropologues qui essaient de comprendre comment ça s'est passé. J'imagine que ça vient peut-être, alors là je vais aller un peu loin, mais ça vient peut-être de nos origines, de nos grands singes, des grands singes qui étaient déjà dans un système de domination du mâle sur les femelles, etc. Je ne sais pas s'il faut remonter aussi loin, mais en tout cas essayer de comprendre peut-être les origines pour pouvoir casser cette dynamique qui est constante. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a quand même de la domination masculine dans les sociétés matriarcales? C'est super facile, parce qu'il n'y a pas de société matriarcale. Bon, voilà. donc, c'est vraiment une super question, parce qu'on y répond très vite. Dans le sens, alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas de société matriarcale au sens où il n'y a aucune société humaine qu'on connaisse aujourd'hui ou dont on puisse retracer vraiment le fonctionnement dans le passé, qui fonctionne selon un modèle qui serait l'inverse de ce qu'on appelle le patriarcat. D'accord ? Alors, ce qu'il y a, c'est différentes modalités du patriarcat et aussi, très souvent, les gens confondent des sociétés matrilinéaires avec des sociétés matriarcales. Et ça n'a rien à voir. Dans une société matrilinéaire, la seule chose qui importe, c'est qu'un enfant qui naît appartient, on va dire, à la famille de sa mère. Ça ne donne aucun pouvoir particulier aux femmes, ni politique, ni économique, ni social, ni rien. Voilà, c'est juste ça. Et donc, il n'y a pas de société matriarcale. Il y a un anthropologue allemand du 19e siècle qui a inventé la notion de matriarcat. Il s'appelle Bachofen. Et il a imaginé qu'il existait dans les temps préhistoriques des sociétés matriarcales. Mais les sociétés matriarcales sont le produit de l'imagination de Bachofen. Et les gens qui étudient soit en anthropologie, soit en préhistoire, etc., pour le moment, n'ont pas vraiment trouvé de société matriarcale. Alors, ce qui apparaît quand même, semble-t-il, et ça rejoint votre deuxième question, c'est qu'il y a des moments où il semble que, du point de vue de l'histoire et de la préhistoire, enfin plutôt de la préhistoire, il y a eu des sociétés plus égalitaires, mais à la fois sur les questions et sur d'autres questions, des sociétés plus égalitaires en général. Et dans ces sociétés-là, manifestement, on faisait une place, en tout cas sur le plan symbolique, plus importante aux femmes. D'accord ? Voilà. Mais pour le moment, on ne peut pas dire, dans l'état actuel de ce qu'on sait, de l'histoire de l'humanité, on n'en sait pas plus. Maintenant, la question de pourquoi est-ce que dans toutes les sociétés humaines connues, on voit des formes de domination masculine? On les appellera pas forcément patriarcat, parce que je ne crois pas que ça relève toujours du patriarcat. Mais pourquoi est-ce qu'on repère dans toutes les sociétés humaines des formes de domination masculine? J'ai malheureusement pas la réponse à cette question. Il y a des réponses qui ont été apportées. En effet, Françoise Héritier, par exemple, elle explique que c'est parce que les hommes sont très fâchés contre les femmes qu'elles aient le pouvoir d'enfanter. Bon, personnellement, je suis pas du tout convaincue par cette explication, que je trouve un peu café du commerce et en fait très naturaliste. Bon, mais voilà, après, je veux dire, elle avance une explication, je ne suis pas convaincue, on est dans le débat, voilà. Toutes les autres explications du même style qui existent me paraissent également, finalement, pas recevables. Du coup, la question reste posée, j'aimerais bien trouver une idée géniale et vous dire « ouais, c'est à cause de ça ou à cause de ci ». Ce qui est certain, alors me semble-t-il, pour le coup, dans les sociétés, on va dire archaïques, appelons-les comme ça, dans lesquelles la richesse est une richesse en êtres humains, c'est-à-dire la famille, mais plus loin, les dépendants, les clients, les esclaves, etc., clairement, les hommes en tant que groupe ont intérêt pour asseoir leur pouvoir à s'attacher par des formes de domination diverses les femmes pour leur pouvoir justement reproducteur. Ça me semble tout à fait évident. Mais si c'était le cas, si c'était la base, ça marcherait pas comme ça aujourd'hui. Ce serait pas le fondement du patriarcat actuel. Vous voyez, donc voilà, je trouve que cette question, elle est en même temps, c'est une question que moi je me pose. Et en même temps, je crois que finalement, elle est peut-être trop large pour qu'on n'arrive jamais à y répondre, tout simplement. Bon, voilà. Alors, on va écouter une dernière intervention, puis on va laisser Anne répondre, puis conclure ce débat. Du point de vue des anthropologues, effectivement, il n'y a pas de société matriarcale, ni du point de vue de la préhistoire. Il y a des sociétés matrilinéaires, et là, le pouvoir est détenu par le frère de la femme, etc. Mais c'est toujours détenu par un homme. Voilà. Donc, ces questions-là, elles ont été travaillées dans toute l'anthropologie. Voilà. Il y a certains pouvoirs qui sont distribués, mais ce ne sont pas des pouvoirs politiques ni distribués. Il y a des pouvoirs symboliques, mais pas de pouvoirs politiques, vraiment. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai fait des études d'anthropologie de préhistoire et j'ai jamais vu de société matriarcale au sens où on le dit. Par ailleurs, vous avez posé une question intéressante au sujet des primates. Il y a effectivement chez les primates, les gorilles ou les chimpanzés, des structures où les mâles sont dominants. Mais il existe également les bonobos, où là, c'est très très différent. Les femelles bonobos neutralisent le pouvoir violent des mâles en s'interposant tout ensemble et elle le punissent ou elle crée auprès de lui une sorte de ceinture de sécurité. Bon, mais nous, on n'a pas choisi cette voie, évident, hélas. Et tout simplement, pour parler du Moyen-Âge en France, bon, il y a eu un très beau livre de Michelet sur la sorcière, et qui a été repris par Duras, etc., dans Les Parleuses, un livre magnifique, qui montre à quel point les femmes ont été privées de la parole, et comme quoi ce qu'on a appelé les sorcières, ça aurait été des femmes qui, étant privées de la parole, beaucoup d'hommes partant, notamment à la croisade, et les femmes restant seules, elles se sont mises à parler dans les forêts seules, et on les a prises pour des folles, et ensuite on les a traitées de sorcières, on les a brûlées. Voilà, ce n'est qu'un des éléments de la longue domination sur les femmes. Merci pour ce complément, et merci à toutes et tous. Je voudrais juste dire une dernière chose avant qu'on se quitte. C'est que c'est tout à fait intéressant, cette histoire de la comparaison entre les différents systèmes chez les différents grands primates qui existent. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on essaye de puiser nos modèles ou notre inspiration ou nos réflexions dans le monde animal ou plus généralement dans la nature, ce qui est génial, c'est que la nature est tellement variée qu'il y a tout et son contraire. Donc en fait, on va pouvoir y puiser absolument ce qu'on veut. Et certains vont vous sortir les gorilles ou les chimpanzés, et puis d'autres vont vous dire « Mais non, pas du tout, c'est les bonobos qui font autrement. » Donc, je crois qu'il faut se dire que la nature n'est pas un modèle, et là, surtout la nature n'explique pas nos comportements. En revanche, on peut décider de si on préfère ressembler aux gorilles ou aux bonobos. Ça, c'est une option. Voilà. Merci.